deux codes où nous avons des rôles, le spectateur a son rôle. On sait très bien que tout ça, c'est de la supercherie quelque part, mais nous voulons y croire, nous voulons y adhérer. Tout ça n'est qu'un jeu, sachez-le. Mais alors, puisque vous le savez, ben, vous pouvez vous embarquer encore plus loin. C'est très très étonnant, c'est dérangeant, c'est très puissant. Ben, qu'est-ce qui se produit qui fait que à un moment, eh bien ça déborde, ça se détache, ça part, on part avec, ça devient la poésie, du trouble, du rêve, de l'engagement, de la provocation à penser, de la philosophie, de la beauté. Allons-nous nous étonner? Ah ben, ces personnages sont extraordinaires, ces costumes sont extraordinaires, ces gestes sont extraordinaires. Je suis ailleurs, je suis dans un mouvement de la poésie. Ce mouvement est global, j'accepte de m'y plonger, de partir avec. C'est une grande traversée poétique. Jean-Joël Le Chatelain va nous parler de deux dispositifs mutualisés dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise, puisque la pièce, voire le spectacle Mettre en pièce, est une création dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise pour cette saison. Oui, Escaldance en Val d'Oise, qui est un regroupement de lieux culturels, enfin de services culturels et de théâtre du Val d'Oise, comme son nom l'indique, depuis plusieurs années, mutualiser ses énergies pour donner la lisibilité la plus grande à l'art chorégraphique sur le département du Val-d'Oise, et en multipliant les accueils en diffusion du spectacle, et aussi en mutualisant ses moyens, qui sont des moyens à la fois financiers et techniques, pour organiser deux moments, un autour de la création, un soutien à la création et donner à une compagnie qui est choisie chaque année par le réseau pour faire une création sur le territoire du Val-d'Oise. Alors, ce n'est pas nécessairement une création qui est créée sur le territoire pendant le moment d'escale, mais à tout le moins, c'est une pièce qui est inscrite dans le calendrier et supportée par plusieurs théâtres. Et donc, le projet de cette année, c'est en effet mettre en pièce la chorégraphie de Vincent Dupont, qui constitue le soutien à la création. Et puis un deuxième événement, qui porte ce titre d'ailleurs, événement, et qui, chaque année, essaye de mettre une focale sur des objets singuliers de l'art chorégraphique, ou des expériences particulières, ou tout simplement des spectacles qui nous paraissent avoir des qualités de rassembler l'intérêt du plus grand nombre. Et cette année, ça va être Flip Book. Flip Book, c'est cela, qui est une pièce qui a été présentée il y a quelques années maintenant au Festival d'Avignon, et qui, bien que ce soit une chorégraphie, que le Festival d'Avignon est un festival de théâtre, mais qui ouvre ses portes aussi à l'art de la danse. Et ce spectacle est un panorama de l'univers de Cunningham, qui est un très grand chorégraphe américain du moitié du XXe siècle, et qui est un rassemblement, d'où le nom de book du livre, hein, d'un rassemblement de photographies, de chorégraphies de Cunningham. Et Boris Charmatz, qui est le directeur du musée de la danse, qui est un centre chorégraphique national qui se trouve à Rennes, eh bien, a monté cette pièce en écho à ce que l'on voit sur l'image. Alors on voit le livre être déroulé page après page avec des photographies, et les interprètes qui sont au plateau, eh bien, n'interprètent pas au sens strict du terme ce qu'il y a sur la photographie, mais sont dans l'esprit de cette photographie et ont conçu une chorégraphie qui est précisément en écho à cette photographie, et qui traduit leur vision du projet, d'où le nom aussi de flip, hein, le flip étant un mouvement du corps d'avant ou d'arrière. Et donc c'est un concentré de tout cela, et cet événement est supporté aussi par plusieurs membres du réseau, et sera présenté le 17 et 18 mars à Fos, hein, à l'espace germinal de Fos, tandis que le spectacle, la création de Vincent Dupont, lui, sera présenté à Aubonne. Et le 24 mars à Aubonne, voilà. Le 19 mai au Théâtre des Louvrés à Pontoise. Exactement. Et le 23 mai prochain au Théâtre Paul-Éluard à Beson. À Beson, c'est cela. Merci Jean-Joël.

internet au www.radio-rgb.net, puis disponible en podcast à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit, et pendant, je vais dire, toute l'éternité, allez savoir, en tout cas sur la même adresse. Votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission aura lieu le mercredi 12 avril prochain. D'ici là, on espère vous retrouver à l'apostrophe, à Cergy-Pontoise, ou à l'écoute de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM. Quand je dis « où », c'est possible d'aller à l'apostrophe et d'écouter en même temps RGB, pourquoi pas. Bonsoir. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.